ça dure. Un mec sur qui tu pourrais compter, qui fasse sur la mesure. Un mec avec qui tu sortirais bien, tu regarderais la sure. Malheureusement ce n'est pas moi, non malheureusement ce n'est pas moi. Tu voulais un mec qui te rassure et avec qui ça dure. Un mec sur qui tu pourrais compter, qui fasse sur la mesure. Un mec avec qui tu sortirais bien, tu regarderais la sure. Malheureusement ce n'est pas moi, non malheureusement ce n'est pas moi. T'as voulu être ma copinette, ma coquinette, ma coque, ma douce. Et stop, c'est tout ça, faudra mettre une sourde. Et joke au plein, n'est pas dans l'ovine. Car tu es ma bovine, je ne fais couler que l'hémoglobine. Aime les ambiances, l'onotrophie. N'oublie pas que je suis un slarvi. Joke au plein, en effet, j'aime trop les babies. Quand on voit la balle comme dans un baby. Plus d'un article dans mon caddie. T'as spé dans ma cadillac. Tu veux monter, bah vas-y. T'as spé sans les cognac. Paris, je tiens à Paris. Mon quartier, oui, mon safari. Faut être comme ça, faut pas que tu charries. Si tu dis, ne sois pas tari. Avec le diable, se marie, notre dégueu jamais ne varie. Comment vois-tu que je sois pas un caribou élevé dans cette ambiance tarée? Normal, j'en ai rien à carrer. Que je sois ma pari, que mon amour pour toi fasse marrer. Me connaissant carrément, pourtant tu restes pas tendre. Moi, pour toi, c'est pareillement. Même si tu pisses à l'arrêt, moi, pour moi, c'est alléchant. Tu voulais un mec qui te rassure et avec qui ça dure. Un mec sur qui tu pourrais compter, qui fasse sur la mesure. Un mec avec qui tu sortirais bien, tu regarderais la sûre. Malheureusement, ce n'est pas moi, non, malheureusement, ce n'est pas moi. Tu voulais un mec qui te rassure et avec qui ça dure. Un mec sur qui tu pourrais compter, qui fasse sur la mesure. Un mec avec qui tu sortirais bien, tu regarderais la sûre. Malheureusement, ce n'est pas moi, non, malheureusement, ce n'est pas moi. T'as vu des choses, c'est moi, des choses qui plaisaient pas. Des choses cheloues, du genre qui étaient propices au départ. Mais malheureusement je m'énervais, non je ne parle pas. Je m'emportais, on faisait comme si je ne le savais pas. Mais tu ne rêvais pas, ce cabre, on ne me cavait pas. Donc la patience je n'avais pas, j'ai pas connu ce genre de cas moi. On ne me parle pas du gamin, c'est jusqu'où l'on prend le kawa. On ne fait pas passer l'examen, on ne fout pas dans un désarroi. On fusionnait comme des siens, moi comme des siens, moi je fus grave. Moi je te le dis bravement, quel déprave, moi ce que je souhaite n'est que l'écrasement. Tout ça d'un effacement, je suis victime et faillite. Tout ça un joke copain, non, ne ressemble pas ensemble. Tout ça, pour moi rester moi-même et mon règne. Car tout ça je n'ai pas de problème, c'est la balle du moment que je gagne. Pour nous traquer j'ai trop la flemme, je préfère quand les meufs viennent. Car direct elles sont miennes. Un mec qui te rassure et avec qui ça dure. Un mec sur qui tu pourrais compter, qui fasse sur la mesure. Un mec avec qui tu sortirais bien, tu regarderais la sûre. Malheureusement ce n'est pas moi, non malheureusement ce n'est pas moi. Tu voulais un mec qui te rassure et avec qui ça dure. Un mec sur qui tu pourrais compter, qui fasse sur la mesure. Un mec avec qui tu sortirais bien, tu regarderais la sûre. Malheureusement ce n'est pas moi, non malheureusement ce n'est pas moi. Tu voulais un mec qui te rassure et avec qui ça dure. Un mec sur qui tu pourrais compter, qui fasse sur la mesure. Un mec avec qui tu sortirais bien, tu regarderais la sûre. Malheureusement ce n'est pas moi, non malheureusement ce n'est pas moi. Tu voulais un mec qui te rassure et avec qui ça dure. Un mec sur qui tu pourrais compter, qui fasse sur la mesure. Un mec avec qui tu sortirais bien, tu regarderais la sûre. Malheureusement ce n'est pas moi, non malheureusement ce n'est pas moi.